suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. Salut à toutes et toutes, ma tribu. Bienvenue dans la 113e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et c'est la Vampire Freaks. Et je voulais vous remercier déjà pour tous vos gentils messages que vous m'avez laissés pour la diffusion de la semaine dernière. Faut surtout dire merci au groupe qui ont la gentillesse, au nouveau groupe exactement, qui ont la gentillesse de m'envoyer autant de sons. Et justement, cette semaine, j'en ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de la nouveauté et du classique, enfin, comme d'habitude. On commencera tout de suite avec All I Want To Do, le nouveau Prohibition Dead. C'est sur l'album Directly For Your Eyes, sorti le 24 janvier 2018. On retrouve All I Want To Do, Kill The Dogs et Snake Charmer. Allez sur la page Facebook de Prohibition Dead, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et même il y a des clips sur YouTube. Allez-y, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec All That Is The Forbidden. C'est sur l'album Distortion, sorti le 30 novembre 1994. On retrouve Hypnotized By The Rhythm, Wake Up et Undertaker. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, No Second Round, de nouveau Shaggy Dogs. C'est sur l'album All Inclusive qui vient de sortir. On retrouve Facebook Fury, New York City et Get Along. Allez sur la page Facebook, ils sont sur Bandcamp et ils sont chez Kebra Records. On continuera ensuite avec African Chanting de Matthew McAnuff. C'est sur l'album Be Careful, sorti en 2013. On retrouve Be Careful, No Segregation et Midnight Rune. Et on finira ce bloc en live avec Destroyer de Twisted Sister. C'est sur l'album Under the Blade, leur premier album sorti le 18 septembre 1982. Un classique de chez classique. On retrouve notamment Bad Boys of Rock and Roll, Run for Your Life et Tear It Loose, du son classique. We'll be right back. sandy shores. Hand up Daisy, behind closed doors. The dreams and hopes, they found a way. We're trying to survive another day. No cigarette, not a chance to stay alive. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Take us, yeah, out of our homeland. African chanting. Whoa, we chant down Babylon because they take us, yeah, out of our homeland. Because the night must come today, and Babylon they gonna get their pay. So listen what the Rasta I say. You feel Selassie I every day. Marcus Garvey will show us the way. Yeah, yeah, yeah. Shout out to Africa with no delay. Hey. African chanting. White rum, we could you believe it? Our one nation so greedy. Them have on yet them silver from the poor and the needy. Willing in syndrome, not for them a work offer. I try for this unify, divide, we and conquer. Africa, can you hear me calling? We are free, reach on me, seven, I ain't no stalling. African chanting, whoa, we chant down Babylon. jusqu'à la dernière seconde de Twisted Sister. Vous êtes toujours dans la 113e Vampire Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter All I Want To Do, le nouveau Prohibition Dead, All That Is The Forbidden, No Second Round, le nouveau Shaggy Dog. On a continué ensuite avec African Chanting de Matthew McAniff, et on a fini ce bloc en live avec Destroyer de Twisted Sister. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Enemies, le nouveau Happy Fist qui vient de sortir, c'est un CD de deux titres éponymes. On retrouve Enemies et Into the World. Allez sur la page Facebook de Happy Fist, ils sont sur Bandcamp, YouTube et ils sont de Marseille. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, Super Ain't de Saint, c'est sur l'album First Blood, enfin leur premier EP First Blood, sorti en 2018, il vient de sortir. Il y a quatre titres dessus. On retrouve Bison and Beer, Super Ain't, Engage, Father End. Allez sur la page Facebook de Bandcamp, ils sont aussi sur YouTube et bientôt sur les plateformes légales. On continuera avec un petit son classique, un petit son culte, Black Man Strain de The Abyssinian, c'est sur l'album Satamasania, sorti en 1976. On retrouve Declaration of Rights, No Jah Today et African Race. Ce titre a été enregistré en 1969 et comme le producteur ne croyait pas du tout à cette chanson, elle est sortie qu'en 1971. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, No Loose Behavior de Zidband. C'est aussi le titre de l'album qui est sorti en avril 2017. On retrouve Into the Wild, B-Town et Still Going Down. Allez sur la page Facebook, ils sont sur YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes, ils sont partout. Et on finira ce bloc en live avec Moonlight Drive des Doors. C'est sur l'album Strange Days, leur deuxième album, sorti le 25 septembre 1967. On retrouve Your Lust Pretty Girl, comme Love Me Two Time, People Are Strange, enfin bref, du son qui... I'm not a fool, man.

swim to the moon. Oh, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps to hide. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Park beside the ocean. Pumping their stiff green gallop, and heads bob up, poised, delicate, pause, consent. In mute nostril agony, carefully refined and sealed over. Move! Eh ben mon vieux, ça a plus de 50 ans et ça bouge autant toujours autant la couenne. Vous êtes toujours dans la 113e Vampire Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Enemies, le nouveau Apéphiste, Super Ain't, le nouveau Saint, Black Man Stain de Abyssinian, et on a eu ensuite No Loose Behavior de Z-Band, et on a fini ce bloc en live avec les Doors et Moonlight Drive. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Ink of My Eyes, le nouveau Bice Project, et c'est une exclue. C'est sur l'album Abyss of Mine, sur l'album qui sortira le 23 février 2018. On retrouve All That I Believe, Run et Open Your Eyes. Allez sur la page Facebook, ils sont sur de Bice Project, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On écoutera ensuite Street Playground de Enhancer, c'est sur l'album Electroshock, sorti le 13 mars 2006. On retrouve Hot, mes potes, à 100 à l'heure. Moi, il me manque un peu, hein, pas à vous. Hein. J'essaie de voir si j'en retrouverai d'autres du Enhancer, c'était bon ça. On continuera avec une autre nouveauté, Seed de Bliss, c'est sur l'album l'EP titre Out of Nowhere, sorti en mai 2017. On retrouve Riot, Seed, Fucking Father et Nightlight Sparks 1 and 2. Allez sur la page Facebook, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Et là, on continuera avec une nouveauté et même une exclue. Une exclue parce que l'album, il sort qu'au mois de mars. C'est Out of Control, le nouveau psychoïde que je diffuse régulièrement. C'est un album à sortir au mois de mars. J'en sais pas plus. Allez, page Facebook et YouTube de Psychoid Trash, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes. À suivre, je les adore. Ah oui, et ils ont été artistes, ils sont artistes découvertes dans le Rock and Sampler de février qui vient de ce mois-ci, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Félicitations à eux. Et on finira ce bloc en live avec 400 Years de Peter Tosh. C'est sur l'album Live at My Father's Place, sorti en 1978. On retrouve Stepping Razor, Soon Come, Bush Doctor, du son reggae culte. We'll be right back. C'est comme un blackout pendant un hypercute que la terre tremble. Leur formation des lits traverse leur vie, ça les dérange. Et même si mes jambes faiblissent, alors que les jambes sont faibles, c'est lui ça fait. Street playground, smoke, ride and sound. Sound check dans la tête calée sur des battements de cœur. Envie de découler tout en octambulant, pour tout chambouler en déambulant. L'air de jubiler, tout démantibulant, sans rien calculer, l'homme éculé par le vide, m'en fout, avalant mes doutes, défiant de ma route. Je me doute que ma tête me plante en transe. Mes sens transpirent la démence. Je ne sens plus rien, ne vois plus rien. Hypnotisé comme satellisé, ne cesse de m'enliser, neutralisé, complètement déconné. Envie de dérouler tout en octambulant, pour tout chambouler en déambulant. L'air de jubiler, tout démantibulant, sans rien calculer, omnipulé. Now Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Tonight we present a gentleman who records for Rolling Stone Atlantic Records. The current album is Bush Doctor. For the first time ever live on WLIR-FM, would you please give a warm welcome to Peter Tosh. Thank you. such a better life, and we got to be free. You know we got to be free. Look how long, 400 years. Same old time, same old time. Set yourself free. Don't sit down on your pride. There is no time. There is no time to hide. I mean, no time. 400 years. Same old time. Same old time. Pas terrible découpage, mais là c'est pas ma faute. Vous êtes toujours dans la 113e Vapeur Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de savoir Ink of My Eyes, en exclu de Pais Project, Street Playground de Enhancer, Seed, le nouveau Bliss, Out of Control en exclusivité de Psychoid, et on a fini ce bloc en live avec 400 Years de Peter Tosh. On continuera cette émission avec Des Sourires, le nouveau Rescape, c'est single d'un EP à sortir. Allez sur la page Facebook de Rescape, ils sont sur YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes. On continuera avec une autre nouveauté, I'm Alive de Charlotte Gainsbourg, c'est sur l'album Rest, sorti en 2017. On retrouve Lying With You, Ring A Ring A Rose, Les Oxalis, I'm Alive, enfin que des hits sur cet album. Et je suis ravi, mais vraiment ravi pour sa victoire de la musique. Merci à Emilien de m'avoir fait passer cet album il n'y a pas si longtemps. On continuera avec une autre nouveauté, Trop de de Ali Bankai. C'est sur l'album, enfin sur une démo, THC démo, qui va être édité sur Bandcamp bientôt. On retrouve Sourire Figé, 17 avril 99, Méchant. On enregistre ensemble sur le Petit Home Studio où vous voyez fêter cette émission. C'est aussi le studio, c'est Orkan Studio, hein, c'est le studio de Morchen. Allez sur la page Facebook de Ali Bankai s'il est sur YouTube, et bien comme je disais tout à l'heure, bientôt sur Bandcamp. On continuera, ben, on parlait de Morchen. On continuera avec 10 ans plus tard, le nouveau Morchen 43. C'est sur l'album Morchen 4 qui sortira au printemps prochain. On retrouvera dessus Élection Déception, Tête de Gong, l'envahisseur.com. Il n'est pas encore fini, il manque 4 ou 5 titres. Mais bon, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook. Je suis sur Bandcamp, sur YouTube. D'ailleurs, pour 10 ans plus tard, le clip a été fait par ATC Design et mon copain Jean-Pierre Lequer de Paimpol, dont je parle souvent. Donc, s'il n'est pas là pour l'instant, mais vous pouvez lui laisser un message. Allez sur la page Facebook de ATC Design et il sera ravi de vous faire votre clip. On finira ce bloc avec Eddie Mission en live de Queensrÿche. C'est sur l'album Live Evolution, sorti le 25 septembre 2001. On retrouve Walk in the Shadow, Roads of Madness et I Don't Believe in Love, un superbe album live. Vendre. mes sourires pour te vendre. Le même trajet, la même route, toujours bloqué au même feu rouge, comme si on évitait le temps et la mort au tournant. Tous les jours la même bâtisse, aussi blanche que leur visage, marquée par des années de vie. Si vous saviez comme j'ai la rage. La rage de voir le prolétaire utilisé comme un cheptel, nourri à la poudre d'oseille, un appât sur une pointe de fer. À faire la pute pour te vendre, vendre mon âme à la machine. Les stigmates du rendement au plus profond de nos échines. Me vendre comme la plus belle des putes à la première viande venue. Me dire qu'à l'autre bout du monde, les pourritures tombent sous le soleil. Engraissées par le prolétaire, engraissées par les moins que rien. La grande échelle des travailleurs bouche à la verge pour leur sourire. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Dance Prod Bâtard. THC Bankai. Réveille la tête dans le cul, je vide le deal en Martinique et des sous. J'en ai plus sur mon compte, y'avait 4000. J'en ai vu des tas de trucs, j'ai essayé de vendre du shit. J'ai fumé la feuille plus de la coque, puis en chien comme Fanny, Neck et Bud, j'suis j'nole dans ce puits. J'souffle la dégaine, j'gnole ma déprime. Mon cœur est peine et puis mon corps est lacéré. Un jour mort, et là j'serai. S'il y a un autre, là j'tombe, et là j'saurai. J'espère pas, là j'aurai été. Si j'suis pas là quand y'a bataille, j'reste frais, j'n'achave de. Là cet été, si je rentre pas à moi, que les dieux me gardent. Si dans le néant mon âme s'est cassée, si je crie à moi, c'est que je m'égare. Avec le temps, mon pète s'est tassé. Je casse mon gang hier soir, je me réveille. Gros, là c'est assez pathétique. Si je cours pour fuir et le coup se poursuit, non, faut que je boive avec beaucoup de soucis. J'aurais beaucoup de soucis. Déjà, je travaillais, mais j'ai beaucoup trop de cheat pour sortir de mon lit. Gros, remballe tes aspects, on s'en bat des liens, mec. Moi, je viens d'en bas, mais certes, je suis pas à plein de gars. Frime dans tes. Dès que sache que je suis pas atteint de ça, fils, ils t'aiment. Sache quand t'achètes leur BM, fils, sous mes doigts. Dans la chatte à ta mère, si t'es lobby, ou dans un ministère, si t'es hobby, t'es devant de la misère, tout comme ces fils de pute de Dassault. La gardière est Marine, la gardienne des fachos. De mon cul, je pose ma rime, la dernière, toute cette bande de vendus, et je la prends en dernière. Marion, maréchal, fuck you, et Macron n'échappe pas de là, je les maudis tous d'un sort vaudou. Du commissaire à Trump et tous ces dollars, notre atout. C'est qu'on est tous. Si on vous croise dans la rue, on vous atomise. On vous prend en sacrifice, on vous prend en exemple. On atrophie tous ces gens, non mais faut pas rêver. Les gens se bougent le cul, rien que pour leur RTT. Ou la manie pour tous, et les pas notre vitesse. Ou bien le taux d'ivresse, dans ce cas je reste solo. Et je reprends ma bouteille pathétique. Si je cours pour fuir et le coup se poursuit, non, faut que je boive avec beaucoup de soucis. J'aurai beaucoup de soucis. Déjà je travaillais, mais j'ai beaucoup trop de cheat pour sortir de mon lit. Flo m'a dit, sois pas si dark, je sais, c'est pas ça. J'ai aimé, c'est pas ça. Si tu veux, je te parle, mes chiens. Ta pièce à Saint-Ostien, pas de gloire. Mon nom, c'est pas César, même si c'est pas simple. Je suis bien loin d'être à plaindre. Chaque soirée, on est plein, non. En tout cas, d'alcool, bande d'enfoirés, les zincs, ouais. Nos histoires, je radote, je raffole. Ton sang, c'est pas le mien, mais t'es mon frère. Si t'es mon pote, t'entends le son s'épanouir, mec. Je viens de faire saigner ma horde. Des démons, je lâche la corde. Tu pars rejoindre ma horde, je prends le tabac. Jean Canity, t'es au lit, j'prends ma claque, j'suis fini, j'ai plus de cheat, flow, j'te cite, la besade, y'a Sally, THC à ma clique, casse des dix, j'suis à chier, si j'te rends pas tes dix, pathétique, si je cours pour fuir et le coup se poursuit, non, faut que je boive avec beaucoup de soucis, j'aurai beaucoup de soucis, tiens, j'travaillais, mais j'ai beaucoup trop de cheat pour sortir de mon lit, ouais. Plus tard, tout va mieux. Je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Le réveil est bizarre, les yeux rivés au plafond blafard, dans une chambre stérilisée et complètement momifiée. Le docteur me dit gêné, monsieur, on sait pas si vous marcherez. Moi le marcheur forcené, dans ma tête, ça a quitté. Dix ans plus tard, tout va mieux, je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Quinze jours ont passé, 20 le jour, des grèves cutanées devant des élèves du monde entier. 30% brûlés entre le 3ème et le 5ème degré. 2 fois 8 heures anesthésiés. 1000 fois j'ai voulu tout lâcher, jouer dans mon lit en rue panée. À réconcilier corps et âme, tous deux entièrement traumatisés. 10 ans plus tard, tout va mieux, je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Donnons-moi sans fumer, merci le papier, les stylos et les chaînes câblées.

Vous êtes toujours dans la 113e Vapeur Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là, de pratiquement tout en nouveauté. On a commencé avec Des Sourires, le nouveau Rescap, I'm Alive, le nouveau Charlotte Gainsbourg, Trotsky de Ali Bankai, et 10 ans plus tard, tout va mieux, les nouveaux Morsen 43. Et oui, je suis fier de pouvoir faire un petit peu de post-production comme ça. J'ai beaucoup évolué sur mon logiciel son, mais ça, c'est une autre histoire. Et on a fini ce bloc en live avec The Mission de Queensrÿche. On continuera cette émission. Allez, je vais être généreux. On va mettre deux lives, un début de bloc et un fin de bloc. Ça vous tente? Allez, on commence avec Pas de solution en live de Satan Joker. C'est sur l'album 3, un EP 6 titres sorti en 1985. On retrouve Justice, Get It On, Wooden Knee 1973, Justice et Commando Suicide, Sorcier, un classique de chez Classique. On continuera avec Who Can You Call de Prodigy. C'est sur l'album Ancient Future sorti le 9 mars 2015. On retrouve Criminal, Love Gone Cold, Answer to Your Name. Allez sur la page Facebook de Prodigy. Il est sur YouTube et sur toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, ces amants-là des Vex, c'est sur leur EP 4 titres État d'urgence sorti en 2017. On retrouve État d'urgence, ces amants-là, je comprends plus. Il faudra bien aller sur la page Facebook des Vex, ils sont sur YouTube, Bandcamp et sur toutes les plateformes légales. D'ailleurs, une des plateformes, pour pas citer son nom, c'est Deezer, a censuré la pochette. C'est étrange, hein. Alors, vivement un album 10-12 titres. On continuera avec No Turning Back de Mirat, c'est sur l'album Desert Call, sorti le 25 janvier 2010. On retrouve Forever and a Day, Madness et Memories, un excellent album de métal progressif turc. Et on finira ce bloc en live avec My Wife des Who. C'est sur le film documentaire The Kids Are Alright, sorti en 1979. On retrouve I Can't Explain, Love Like Rock et A Quick One du son Cult. Come you see the value man would have put on the blood of Christ. For Joseph it was 20, they never liked his coat. For Baba Buddha more than ever like of what he spoke. In spite of all these notes, I see the pattern them developing. Morality secondary to money, greed and jealousy. That's how many fell, you see. And with that being said, I'd wondered if my brothers put a price up on my head. I heard that money makes friends and money makes foes, but money, it is not all. 'Cause when the dough ends and all the banks close, tell me, who can you call? And all the money in the world, it could not lift them up. Most brilliant of ornaments crumble down to rust, because we put with faith in lust and disregard the trust. Hell, I know the rush, I've had the feeling take me over. The power in my hand when all the band over my shoulder. The bands of money coming in will change the ones around you. Be wise enough because it cannot stop you getting older. But still, I admit that I get caught up in the game. Saw the legends do it naturally, I did the same. So I'm rolling round the city, Miss Jamaica, they there with me. Heard them on the plots, I know in all of this no matter. 'Cause the money makes friends and money makes foes, but money, it is not all. 'Cause when the dough ends and all the banks close, tell me, who can you call? You drove the bills you paid. And yet it is the focus, what we do and what we say. What we give we energy. So you spend your life at work, acting like the money will be with you in the earth. Leaving all your family and friends to fight and search. That's when you see the snakes come out and act like they deserve. Like them put you on reserve. 'Cause your money makes friends and money makes foes, but money, it is not. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Je vais au bout de ma liberté. Je t'aime, je t'aimerai toujours plus fort. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à la mort. Ces amants-là n'auront jamais tort. Le voyage se mène encore et encore. Écoute ces mots, je ne les aime pas, ils sont vides. Si loin de toi, regarde ces gestes, ne me me plaisent pas. Ils sentent la guerre et le combat. Moi c'est toi que j'aime encore. Mais ça quand tu danses avec cet air là, je garde en moi en ces moments là. S'il te plaît ne me quitte pas. Je t'aime, je t'aimerai toujours plus fort. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à la mort. Ces amants là n'auront jamais tort. Le voyage se mène encore et encore. Ni Dieu n'y mettra encore une fois. L'obéissance ne fait pas loi. La défense je n'en veux pas. Moi je veux rester dans tes bras. Je t'aime, je t'aimerai toujours plus fort. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à la mort. Oh, ces amants-là n'auront jamais tort. Oh, le voyage se mène encore et encore. We'll be right back. On vient de s'écouter Pas de solution en live de Satan Jokers, Who Can You Call de Potager, No Turning Back de Mirat, Ces Amants-là d'Evex. On a fini ce bloc en live avec My Life de The Who. Cette 113e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On se retrouve aussi sur archive.org. Si vous êtes un groupe ou si vous avez un groupe, contactez-moi. Vous me laissez un message pareil sur la page Facebook de l'émission. On finira donc avec Diesel Power de Prodigy, c'est sur l'album de Out of the Land sorti en 1997. On retrouve Brief, Minefield et Feel My Life, My Fire du son classique. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu! With Prodigy, with diesel power, blows your mind drastically.